qui devant tous se cabre, au jour où marche contre tout, armé de son grand sabre, qu'il fait traîner partout. Amen.